Vous aimez être à la pointe du raffinement ? DS Automobile présente DS7 Crossback. Avec ses projecteurs ciselés tels des pièces de joaillerie et ses feux tridimensionnels en forme d'écaille, ce SUV d'avant-garde incarne le savoir-faire français. Paré de matériaux nobles, comme le cuir Napa sublimé par des coutures point perles, l'alcantara ou le cristal noir, DS7 Crossback signe un intérieur haute couture. DS Automobile vous convie à essayer DS7 Crossback dans son nouveau réseau exclusif. Détails sur dsautomobile.fr. C'est l'heure de remonter le temps aujourd'hui dans l'histoire. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 2 mai de quelle année ? Le 2 mai 1519, nous sommes à Amboise, au manoir de Cloux, ce qu'on appelle nous aujourd'hui le Clos Lucé, ravissante demeure. Ce 2 mai voit disparaître Léonard de Vinci. Une légende tenace voudrait que le maître italien ait rendu son dernier soupir dans les bras du roi François Ier. On sait aujourd'hui de façon indubitable que c'est faux, mais l'image est belle. Elle a été représentée par un autre génie de la peinture, par Ingres bien sûr. Pourquoi Léonard de Vinci était-il à Amboise à ce moment-là ? Vous savez que le roi, jeune roi de France, François Ier, et sa mère Louise de Savoie, avaient invité le maître en 1516 à venir s'installer en France. Il a donc quitté l'Italie et traversé les Alpes à dos de mule, emportant avec lui quelques tableaux, dont la Joconde bien sûr. Il a été nommé premier peintre, premier ingénieur et premier architecte du roi, vous imaginez ça ? Un roi qui donc l'a hébergé, pensionné et surtout laissé libre de travailler à sa guise. Léonard a bien voulu œuvrer à un certain nombre de spectacles de cour. Il a fait quelques plans pour le domaine de Louise de Savoie, notamment à Romorantin, travaux d'urbanisme, d'hydraulique et bien entendu de mécanique, puisque c'est ce qui passionnait le génie vieillissant, vous savez, beaucoup plus que la peinture entre nous. Mais il n'a pas vraiment eu le temps de profiter de sa liberté nouvelle. Bon, 3 ans, et puis la maladie a eu raison de lui. Donc ce 2 mai 1519, un cortège de 60 mendiants, c'était la volonté de Léonard, va l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure, la collégiale Saint-Florentin du château d'Amboise. À son disciple Francesco Melzi, il va léguer ses pinceaux, ses livres et ce qu'il restait de ses œuvres, innombrables croquis, dessins, tableaux qui par la suite seront dispersés. C'est une passionnante histoire ça. Mais son héritage reste évidemment. La Joconde, le Saint-Jean-Baptiste entre autres sont au Louvre. On doit aussi à Léonard des inventions techniques telles que l'ancêtre du char d'assaut ou même le principe de l'hélicoptère. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, et nous serons en direct de la citadelle de Lille. Oui, pour les 350 ans de la signature du traité de paix d'Aix-la-Chapelle, vous serez notamment avec Florence Raymond, attachée de conservation au sein du Palais des Beaux-Arts de Lille.